Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau cadeau bonus, suite d'un numéro qu'on a enregistré avec monsieur Mikado Twix l'été dernier qui, me semble-t-il, vous avait relativement fait rigoler. Un cadeau bonus dédié aux reprises improbables de tubes internationaux en français. Et pour ce deuxième volume des reprises en français, voilà le retour de la vengeance. Je retrouve toujours Mikado Twix et toujours en IRL parce qu'il est en face de moi avec son micro sur une oreille. Salut Wiz, comment ça va ? Fort bien et toi-même ? Eh ben écoute, ma foi, je te cache pas que je suis très très très excité de enfin dénicher des nouvelles perles pour nos auditeurs adorés. Et je pense qu'on aura pas mal de choses à raconter pour ce numéro. Et oui, pourtant, je pensais pas qu'on arriverait à trouver du gras pour une deuxième émission. J'étais pas sûr. Je pensais qu'on avait mis un peu toutes nos forces sur le premier. Ah, je pense que, sur le moment, rappelle-toi, Pierre Perpal, hein, la magie du bourri. C'était un peu déjà du last minute. Je pense que on avait atteint le Saint Graal, mais on a quand même des très belles choses pour ce numéro. Alors, comme la première fois, on va découper, alors c'est tiré par les cheveux pour certains numéros, on a découpé la sélection sur trois parties, les reprises dites acceptables, voire éventuellement même qu'on pourrait apprécier, mais ça on le dira pas, les reprises discutables, voire très discutables, voire dispensables, voire carrément dispensables, voilà, et puis pour finir, la partie traditionnel du Saint Graal, le « Ils ont osé ». Ah, ouais. Alors, ils ont beaucoup osé encore cette année. ils se sont pas privés, quoi. Donc, voilà, on vous en a trouvé quelques-uns. On a même un petit, voire même deux petits bonus pour finir l'émission. Tout à fait. Tout à fait. Alors, mon Wiz, donc, on attaque notre première partie, à savoir les reprises acceptables. Et donc, est-ce que tu peux nous évoquer ton premier choix ? Oui. Alors, mon premier choix s'appelle Alexa Leclerc, qui nous chante « Avec toi, contre toi ». Et en fait, c'est de 1985. Avec toi, contre toi, je cherche pas que le temps passe mieux comme ça. Avec toi, contre toi, oubliez le temps qui passe, vivre à pile en face. Avec toi, contre toi. Moi je suis fan. Hein. Bah écoute, moi aussi. Et puis je trouve, pour le coup, j'ai commencé avec celle-là parce que je trouve que c'est la moins honteuse de toute la série. Donc après, vous pouvez vous faire une idée tout de suite. Notre chère Alexa Leclerc qui reprend une chanson, comme vous l'avez deviné, de Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Est déjà discutable. Et déjà très discutable, pour le coup, de 1985. Absolument, quasiment aucun repère biographique sur la personne. Elle a sorti 2 45 tours. Elle a fait a priori 2 flops et puis plus rien, voilà, à part sa coupe Jackie Quartz. Et le fait que j'avais vu le clip il y a quelques années sur Télémélodie. Ah bah c'est le rip hein, qui est sur internet. Hein, mais moi je l'avais vu sur Télémélodie pour le coup à l'époque en direct. En tout cas, moi à titre personnel, hein, au nom de l'équipe, évidemment, on fait une grosse dédicace à notre copain Spade hein, qui, rappelle-toi, Wiz l'avait sélectionné dans notre IRL, hein, les chansons qu'on a honte d'aimer. Et il l'avait retenu, évidemment, le titre original, quoi. Et ben voilà, donc on n'a toujours pas honte d'aimer, mais pour le reste, je ne sais pas. Alors moi, j'ai une petite anecdote, mon Wiz. Ouais, dis-moi. Parce que ça, on l'avait évoqué, Festival Robles, rappelle-toi, et j'ai même peut-être une petite requête à te faire, tu verras si tu le valides, mais à l'époque la grande époque du Festival Robles, on avait les modernes parleurs. Alors, si tu pouvais nous mettre un petit extrait, parce que rien que pour ta sœur qui refoule, Je valide chaudement. Pour moi, c'était de la reprise à sélectionner. Eh ben écoute, c'est parti. Le Festival Robles présente le best-of du meilleur de la compile des modernes parleurs. Ouais ! Avec T'es mon cœur, t'es pas cool. T'es mon cœur, t'es pas cool. Chaque fois que tu pleures, j'ai envie de te mettre un coup de boule. Mais aussi leur tube, passe-moi le beurre pour le moule. Passe-moi le beurre pour le moule. Parce qu'à 4 heures, je sors avec ma poule. Les modernes parleurs, le groupe qui a marqué les années 80, revient enfin avec l'incontournable C'est ta sœur qui refoule. C'est ta sœur qui refoule. Tout le monde a peur quand elle enlève sa cagoule. Moi, j'étais déjà c'est très fan à l'époque. Hein. Qui refoule. Tout le monde a peur quand elle enlève sa cagoule. C'est formidable. C'est la meilleure version francophone qu'on puisse trouver. Je trouve. Ils ont fait quand même des trucs qui étaient sympas. Ça se perd un petit peu parce que ça manque. Ah oui, des trucs con-con comme ça. Il y a quelques trucs. On a des perles, mais qui ne sont pas très récentes. Hein. Alors, voilà pour Alexa, qui reste un mystère absolu. On va passer avec contre toi, contre moi. On va passer avec une chanteuse qui est beaucoup moins mystérieuse parce que tout le monde la connaît. Et tu vas nous en parler de et suite. Et oui, hein. Si je te dis Lionel Richie / Mireille Mathieu. Est-ce que là, tout de suite, tu dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, Mikado? Bah, ça rime avec Patrick Dufy / Mireille Mathieu. Ah, mais non, c'est pas celle-là. Donc, je te propose le titre Allô. Allô? Non mais allô? Je t'ai toujours porté au fond de moi. Et tous mes rêves tournent encore autour de toi. Chaque matin je t'aime un peu plus fort. Allons. Est-ce que tu m'écoutes encore? Moi je vis dans ton sourire. Moi je vis dans ton regard. Je meurs de ton silence. Quand je parle sans te voir, tu n'es plus jamais gentil. Tu n'es plus jamais le même. Laisse-moi pourtant te dire. On parle de Mireille Mathieu. On parle de Mireille Mathieu, née le 22 juillet 1948 à Avignon, dans le Vaucluse. Voilà. C'est une chanteuse de variété. Et donc, elle débute sa carrière en 1965 et connaît un certain succès dans plusieurs pays, notamment en France, en Allemagne et en Russie. Et à ce jour, il faut savoir que Mireille a enregistré pas moins de 1200 titres en français, allemand, anglais, espagnol, italien, russe, finnois, japonais, chinois, catalan et même en occitan. Voilà. Elle n'a pas fait l'espéranto encore. Et il faut savoir que donc Mireille, parce que moi j'ai une petite affect particulière sur Mireille, c'est comme tu l'as cité, elle a fait plusieurs duos avec des pontes, hein, Paul Anka, Patrick Dufy, Tom Jones, Andy Williams, Placido Domingo et même Dean Martin. Elle aurait pu chanter avec Roswell, mais elle ne l'a pas fait. Elle a coupé tout, enfin voilà. Alors pour parler du titre, vous l'aurez reconnu, hein, on parle du titre original Hello de Lionel Richie, un titre de 1983. Repris en français donc sous le titre Hello en 1984 par Mireille et qui est publié par la maison de disques Ariola. Donc comme le disait la version française du titre de Lionel Richie, l'adaptation donc est réalisée grâce au travail du compositeur Eddie Marnet pour les paroles. Alors moi, c'est pas lui qui est depuis le début de toute façon, il me semble. Je crois. Il me semble il que me c'est semble lui qui bien que c'est son parolier, début, enfin qui travaille un peu pour beaucoup pour elle. Il a beaucoup marmé. Et donc, bah, moi, je vais te faire une petite confidence. Bah, j'ai pas honte de l'aimer, celle-ci. Je trouve qu'elle passe très, très bien. Alors, je l'ai fait écouter à Mikadette, évidemment, en lui parlant du sujet du jour. Elle me dit, bah, attends, c'est pas honteux, ça. Enfin, certes, c'est en français, mais Mireille, elle chante bien, quoi. Enfin, sur ce titre, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je crois que quand tu lui avais dit ça, elle était partie faire les courses. Hein. Ah, aussi. Je suis pas ultra fan de Mireille Mathieu, j'avoue que le... Allô, est-ce que tu m'aimeras encore? Disons ça que sature, là. J'ai toujours une petite difficulté avec ce côté, j'aurais voulu être Édith Piaf, Et ah, oui. Bon, ça, voilà. Mais ça marche pas. Par contre, je l'aime beaucoup en allemand. Ça, oui, c'est vrai, tu nous as montré des trucs pour la prépa. J'ai un gros affect pour les chansons de Mireille Mathieu en allemand. Ja. Une schönes Mädchen von Avignon, c'est assez rigolo. Donc moi j'aime beaucoup en allemand, mais en français. Et ces roulements là, faut que tu m'expliques, Wiz. C'est quoi le truc des roulements là? J'ai jamais compris des roulements d'air. Je sais pas, mais il y en a plein qui chantent comme ça. Même Dorothée, hein, là quand même, tendance. C'est comme un tremblement de terre. c'est une petite spécificité. On fera un numéro sur Dorothée. Oui, Dorothée. Bon. Alors là, les amis, rappelez-vous, on avait parlé de Nathalie Simard, celle qui prenait une magnifique reprise de C'est mon idole, Michael Jackson. Mais là, on a trouvé mieux, je crois que c'est l'oncle, c'est ça? Non, pas du tout, c'est son grand frère. C'est mon frère René. Et donc, on veut parler de René Simard. Est-ce que tu pourrais nous parler de René Simard? Mais on va parler de René Simard et lui va nous parler de son amour d'un soir. Voilà, et tu notes que lui aussi a un léger roulement de R, et comme un léger roulement de R. Pourquoi, oui, pourquoi? Parce que Stevie Wonder, quoi. En plus, tu l'as mis dans les reprises acceptables, je comprends pas, oui. Bah, en fait, souviens-toi, on a quand même fait un petit tri tout à l'heure, ce matin, hier. Et je savais pas trop, au bout d'un moment, j'ai dit que c'était la moins inacceptable, la moins inacceptable des dispensables, donc je l'ai mise dans cette case-là, Elle est pas mal quand même cette reprise, elle est collector hein, quand même, non? Elle est assez collector. On est en quelle année là, Wiz? Nous sommes en 85, la même année que l'original, hein, donc le fameux Part-Time Lover de Stevie Wonder, et donc on est avec René Simard, le grand frère de Nathalie, qui est un artiste québécois né à Chicoutimi en 1961. Ce fut un enfant star dans les années 70, comme le sera sa sœur un petit peu plus tard. Hein. Ah. Et voilà, et qui avait donc été sélectionné pour notre premier épisode et qui a failli se retrouver déjà aussi dans le deuxième épisode parce que elle a commis une assez rigolote et assez improbable adaptation d'Olivia Newton-John que j'ai hésité. Ouais, ma chemise grise, non, c'est pas ça. Non, c'était pas celle-là. Voilà. Voilà, donc le garçon a fait plein d'albums, y compris une petite carrière au Japon. Donc il y a un certain nombre d'albums qui sont référencés au Japon chez sur Discogs. Sur Wikipédia. Tu n'as pas été voir sur Discogs. Alors moi, quand j'écoute le titre, j'ai vraiment l'impression d'entendre du Michel Fugain. Moi, c'est Michel Legrand. Oui, chacun son Michel. C'est ça. Michel et Michel. C'est ça. Donc, pour moi, c'est un petit Michel Legrand avec le roulement des R en plus et c'est tout le Québec dans votre bouche. voilà, ce tabernacle-là, c'est formidable. Moi, j'aime beaucoup. C'est mignon, c'est gentil, c'est sautillant. C'est pas crédible, mais c'est marrant. Voilà. Donc, dans la série pas crédible, je pense que tu nous en as trouvé une autre aussi. Ah oui. Donc là, on reste dans l'univers de Simard, parce que rappelez-vous, on avait parlé du titre Maniac de Michael Sambello, qui devient pour le coup démoniaque, chanté par Jean-François Rouleau. Et donc Jean-François est au bout. Elle part sans rien dire, et moi je peux plus dormir, c'est elle qui joue les martyrs. Toujours prête à rire quand le bateau chavire, dans ses rêves elle doit mentir. Toujours sans prévenir, elle revient sans rougir, posée sur mon lit un soupir. Une nuit d'amour au matin pour me dire que nous deux avons mal fini. Sur quelle marche autant le dire tout de suite. Hein. Donc évidemment, les deux titres sont de l'original et on va dire la reprise de 1983. On n'a aucun refaire biographique. Hein. On a cherché avec Quiz. Hein. Jean-François Rouleau a sorti un album et 5 singles. Bah, et puis bah, Démoniac étant son tout dernier. Voilà. Donc moi j'ai envie de te dire une chose. Bah, rest in peace, hein, Michael Sambello, parce que cette version est selon moi. Il fallait bien la mettre quelque part, mais on est quand même pas loin du dispensable. Ça laisse sous-entendre à nos auditeurs adorés qu'on a encore. Qui a pire, parce que elle est démoniaque quelque part. Et on l'a fait écouter, Wiz pour en témoigner auprès de mes enfants, et mes enfants disaient, mais ça rime pas, quoi, ça marche pas, quoi. Enfin, elle est démoniaque, quelque part. Voilà, puis ils se demandaient où elle pouvait bien être démoniaque tout de même, parce que quelque part c'est gentil, mais bon, il manque un GPS. Mais bon, après, en toute sincérité, j'ai un affect tout particulier sur le titre, oui, c'est mon idole Michael Jackson. Donc celle-là, bon, c'est on va dire c'est le second choix, c'est une seconde main, quoi, voilà. Alors là, mon Wiz, on attaque enfin une petite partie un peu plus cosue, parce que c'est la partie des dispensables, la partie numéro 2. Ton premier titre, tu souhaites nous parler du groupe FM. C'est ça. Alors, FM qui nous chante Destination plus loin. Oui. Que dire, Jouis ? Que dire ? Que dire ? Défends le dossier, là. Je vais essayer de défendre le dossier. C'est encore un groupe sans référence biographique. Hein. J'ai pas trouvé de quoi que ce soit. Enfin, quasiment rien. On sait au moins qu'il a sorti à minima un 45 tours et un album. Mmh. L'album comprenant quand même un paquet de reprises. Ah oui. Dont une cover de Reggae Night qu'on a failli sélectionner, mais j'aime encore mieux le fameux Alphaville qui s'est repris. Ah, moi, le Reggae Night qui devient C'est la fête, moi, je valide, hein, perso. Hein. C'est voilà, mais bon, j'aimais encore plus à Big in Japan, donc puisque c'est de cette chanson qu'il s'agit, d'Alphaville, que le fameux Jimmy Cliff, qui est plus ou moins la même année, je crois que ça devait être 83. Sûrement. Donc voilà. Donc on avait c'est la fête. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas d'après Discog, le disque a été enregistré à Villeurbanne. Oh. Donc, a priori, c'est un voisin. C'est ça. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. C'est particulier. Il y a a priori plein d'autres reprises encore sur l'album. Limite, si je le trouve, je l'achète parce que troisième degré. Mais bon, c'est voilà. Mais bon, c'est quand même assez honteux. Hein. Ah oui, on est pas mal. On est dans les bonnes reprises dispensables. Ça commence à devenir sympathique. Hein, donc, maintenant, tu vas danser un peu. Ah oui, alors là, mon Wiz, tu le sais, à la E-Team, on adore Sylvie Vartan, rappelle-toi, tous nos comparses, n'oublie jamais de placer un petit The Eyes of the Tiger, qui devient en français faire quelque chose. On l'a souvent dit dans nos émissions Sylvie et Mireille, mais pour moi, Sylvie, c'est la reine des reprises. Eh bien, gratté à tous les râteliers. Et là, j'ai envie de te proposer un Danse ta vie. Danse ça. Fais un geste, fais un pas, la musique est en toi, danse-la. L'évidence, c'est la danse. Que dire? Bah, c'est parce qu'il fallait parler de Sylvie Vartan, parce que moi, j'aime beaucoup Sylvie Vartan. J'aime bien parler de ses reprises en français. Et bah, comme je disais, c'est quand même un petit rituel, quoi. Enfin, moi, quand je vois que nos comparses, ils font une OST spéciale Rocky et qu'ils placent en clôture d'émission Sylvie Vartan, je dis respect. Donc, que dire? La reprise est parfaite. Bien évidemment, vous aurez reconnu le titre What a Feeling, 1983, chanté par Irène Cara. Et pas Whataburger. Whataburger. Évidemment, de la BO Flashdance que j'aime d'amour. Donc, c'est très, très, très difficile de valider. Hein. On est complètement dans le thème, hein, le dispensable. Et bien, évidemment, oui, je te pose la question. Dispensable ou indispensable ? Culte d'une certaine manière, comme toutes les reprises un peu violentées de chansons qui ont vraiment été des gros cartons. Voilà, il faut quand même noter deux trucs, c'est que c'est la face A de Déprime, quand même, genre qu'elle est sur le même 45 tours, elle a donc cette chanson-là, et la fameuse reprise de Your Ethnic. Ah oui, elle est bien celle-là aussi. Hein. Qui est quand même, voilà, là, aussi, elle déterre un mort. Hein, donc voilà, et puis surtout qu'il y a la même, plus ou moins la même année, une reprise de la reprise, enfin, je ne sais pas qui a commencé, mais on va accorder le bénéfice du doute à Sylvie Vartan, il y a une autre Danse ta vie par le groupe New Paradise, ah, oui. Et une Tiffany, que j'ai en 45 tours pour le coup, que j'ai trouvé en brocante, et quand j'ai vu ça, ça m'a fait hurler, et qui est encore pire. Voilà, en toute simplicité. Ouais, mais Sylvie Forever, la team. Ah bah oui, c'est... Voilà. Il n'y a qu'à se baisser. Hein. Alors là, Wiz, petite découverte pour moi, parce que tu souhaites nous parler de Maryse, aka Maryse Gildas, hein, la femme de Philippe Gildas. Absolument. Une ancienne speakerine. Amour. Amour. Mal de toi. Il est minuit à Rome et je pleure à Paris. C'est la fin du voyage. Peu à peu, je t'oublie comme le prénom d'un homme, comme une photographie où il n'y aurait personne. Amour, amour, amour. Mal de toi. De t'écrire et je n'écrirai pas. Alors, développe, oui, développe. Alors oui, Maryse Gildas, grande voix de Repin et donc femme de Philippe Gildas aussi. Alors c'est pas vraiment, vous allez dire, ça n'est pas vraiment une reprise, parce que c'est plus, on va mettre des paroles, et encore là pour le coup des paroles parlées, sur une musique, en l'occurrence le fameux Chimay de Ennio Morricone, thème incontournable du professionnel avec Belmondo. Alors pour Madame Xanax ou l'Exonil? Les deux, mon capitaine. Je pense que oui, puis on noie ça dans un bon verre de vodka et puis ça va mieux après. Avant Royal Rabbin, Maryse nous livre une adaptation quand même assez suicidaire du thème des New Morricone. Je ne sais pas quoi dire, à la fin elle doit se pendre, j'ai même pas réussi. Je crois qu'elle chiale à la fin de la vidéo. Hein. J'ai pas osé aller jusqu'au bout. Ah, moi j'ai regardé, à la fin elle se retourne, voile pudique. D'accord, mais ça peut-tu seulement le comprendre? C'est à peu près ça. Moi je suis un peu étonné que tu valides dans les dispensables, parce que te connaissant, je pensais que t'aimerais énormément cette version phrasée, entre guillemets. Quoi. Non, moi j'ai un peu de mal. Hein. J'ai pas pris mon Lexomil, donc c'est difficile me concernant. Alors maintenant, sa voix te rappelle quelque chose. Il s'agit de... Eh ben, de Michael Rettner qui nous chante « Sa voix qui me rappelle ». Vous aurez peut-être reconnu, donc c'est le titre I Want to Know What Love Is de 1984 du groupe Foreigner. Là, on est dans le viol. Hein. Je sais pas quoi te dire. On est dans le viol auditif. Hein. On est pas mal. Hein. Donc, je vais vous parler quand même de Michael Rentner. C'est un chanteur français né en 1953 et qui a des disques qui courent apparemment de 1975 jusqu'à 1996. Alors, il semblerait qu'il ait été un petit peu assimilé à Mike Brandt. Bon, personnellement, j'ai pas reconnu. Enfin, je ne sais pas. Et en particulier à cause de son petit accent. Donc, bon. Mais j'ai trouvé quelques références à droite à gauche. Ah. Alors, sachant quand même qu'il a commencé à enregistrer, a priori, dans ce qui est référencé en 75, c'est l'année de la mort de Mike Brandt. Donc bon, on se demande pourquoi on a dû croire que c'était sa réincarnation. Je sais pas, on n'était pas loin du Ison Osé quand même. Hein. C'est là où on s'est interrogé. Hein. Oui. Et c'est épouvantable, écoutez, hein, n'ayons pas peur des mots. Hein. Et sans être un gros fan des Foreigners, je trouve que le morceau est quand même passablement inaudible. Hein. Et puis, sur la jaquette du 45 tours, on dirait vraiment une ancienne gloire des studios AB, quoi. Il manque tout le logo, je trouve. Ah, yeah, oui, c'est oui. Ce qu'on s'est fait comme réflexion. Le miel et les abeilles, quoi. Enfin, direct. C'est ça. Il manque que Gérard, quoi. C'est ça. Ok, ok. Bah écoute, ça nous amène comme ça doucettement à notre partie numéro 3. Ils ont osé. Ils ont osé. Et là, en l'occurrence, je vais dire, elle a osé. Elle a osé, ouais. Voilà, et donc celle qui a osé, par qui le scandale arrive, c'est Marie Laforêt qui bétonne son cœur en 1982. Et je vous conseille de vous bétonner les tympans. Ça a été très dur. Alors donc, c'est une reprise donc de la même année de la chanson Harden My Heart du groupe Quarter Flash que j'adore. J'étais super fan à l'époque. Là, tu l'as découverte, tu la connaissais? L'original? Cette version, non, celle ah de non, Marie. Non, la version, non, j'ai fait une recherche et je suis tombé dessus, mais je savais pas que ça avait été repris. Mais c'est une chanteuse, Marie Laforêt, à la base ou... Ah oui, tout à fait. Elle a une immense carrière discographique. Parce que là, c'est peut-être pas son meilleur exemple. Parce que... Ah bah là c'est Welcome to the Dark Side of Marie Laforêt. Hein, voilà. Il faut reconnaître. Fou, hein. Il faut reconnaître que dans les années 80, la comédienne slash chanteuse entame une traversée d'un désert discographique dont elle n'a toujours pas trouvé la sortie aujourd'hui. D'ailleurs, le désert, il y traîne 2 ans après dans les Morphalous dont on a retenu sa saillie la plus fameuse. C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Ah, donc oui. Ça. Et elle était beaucoup mieux dans ce rôle-là pour le coup. Non, mais là, même quand tu regardes le clip, t'as l'impression qu'elle est complètement camée ou j'en sais rien. Il y a un truc qui marche pas. Ah oui, elle est complètement shootée. Elle joue. Ah, elle était vraiment comme ça. Je sais pas. Non, mais là, effectivement, sur l'enregistrement, elle est complètement à l'ouest. Ah, c'est dégueulasse. Elle, elle joue beaucoup trop sur. Elle a des espèces de petits tics de chanteuse qui sont sympas quand c'est utilisé avec parcimonie. Bah, la country en français, mal chantée, ça marche pas, quoi. Ça va plus, quoi. Donc, ça détruit complètement la chanson. Et c'est dommage parce que j'aime bien, moi, Marie Laforêt, en dehors de ça, mais bon, il vaut mieux qu'il continue à neiger sur Yesterday parce que là, franchement, c'est too much. Quoi. Ah oui, non, ça marche pas. Hein. Voilà, donc on fait un petit saut de 3 ans, très ouais. Exactement, pour continuer dans le dark. Cette fois-ci, c'est... On va... Donc c'est Yannick Darkman qui nous chante « Salut le héros ». Sont-ils passés les bras ces chevaliers fameux? Je les vois chevauchant leurs grands chevaux d'argent. Dans la nuit, au fond de mes rêves, ils sont là, je les entends. Salut le héros, le Superman que j'attends. Je sais qu'il viendra bientôt. Il est fabuleux, il assure comme un dieu. Il vient nous délivrer des salauds. Il n'a peur de rien, il n'a rien dans les mains, il n'a rien qu'un pouvoir surhumain. Salut le héros. Voilà, il faut que tu détailles, comme on dit habituellement. Bah donc, Yannick Darkman, un chanteur belge, membre d'un groupe Tonic, je ne connais pas, de 80 à 1982, puis a sorti 4 45 tours entre 1984 et 85, et a fini quand même 3e des qualifications pour l'Eurovision en 1988, pour le titre, je ne sais plus. Mais c'est ça, lui non plus d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors là, oui, je crie au scandale. Scandale, parce que déjà, je pense que indirectement, il doit pas s'être rendu compte qu'il avait inventé les prémices de la techno dance un petit peu. Parce que le titre, il fait un peu pouf, pouf, pouf. On en est pas. Parfois, on peut se demander si c'est vraiment de 85. Ah, on est d'accord. On dirait une reprise de Forain des années 90, 15. Ça nous rappelle une IRL, ça. Tiens. C'est ça. Et tu sais, mon Wiz, le rapport que j'ai avec Bonnie Tyler. Ben, je sais, dédicace à ta mère. Eh oui, parce que Bonnie Tyler, je le lui dis à peu près, ouah, toutes les émissions, ma maman, c'est le sosie de Bonnie Tyler, et on touche pas à Bonnie Tyler. Parce que, blague à part, hein, évidemment, on aime ou on n'aime pas, je suis pas un grand fan. Par contre, Bonnie Tyler, elle a une façon de chanter, elle a un coffre vocal, tu peux pas rivaliser, quoi. Et là, lui, je sais pas, il vient, Yannick Darkman, hein, je sais pas, côté sombre du truc, j'ai pas compris, quoi. Surtout que quand on écoute les paroles, ça fait assez générique de dessins animés, de super-héros rabais, quoi. Capitaine Flamme. Oui, mais vraiment rabais, quoi. Version Técos. Mais c'est ça, quoi. C'est le Capitaine Flamme nord-coréen. Enfin, un truc, quoi. Ils ont trouvé ça dans une poubelle, ils ont fait un générique. Donc là, je m'accorde à dire qu'on est dans le « ils ont osé », hein. Mais personnellement, moi, ça m'a touché mon petit cœur de fan à demi-mot de Bonnie Tyler. Hein. Oui, non, mais d'ailleurs, je l'avais choisi, rappelle-toi, dans notre IRL, hein, Bonnie Tyler, quoi. Mais c'est ça. On arrive doucement, mais sûrement à la fin, donc on a évidemment gardé nos préférés pour la fin. Quoique, Yannick Darkman en était pas mal déjà. Tu veux nous parler de Jacques Salvay qui nous chante ensemble. Bon, là, on triche un tout petit peu parce qu'on est en 1979. Ben, en fait, on n'est pas sûr parce que j'ai pas trouvé la date de cette chanson. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une reprise d'une chanson qui est de 79, donc c'est au moins cette année-là. Ensuite, on va voir la suite. Bonjour, c'est l'instant d'être sans détour, c'est l'instant de mieux se connaître, c'est l'instant d'être ou ne pas être, c'est l'instant pour l'amour de Dieu, c'est l'instant d'être plus heureux ensemble. Voilà, Céleste, hein. Céleste. Voilà, c'est ça. Donc c'est une reprise, vous l'aurez remarqué, des Village People de la chanson Go West, donc de 1979. Moi j'aime bien Go West. Moi j'aime bien. Je suis pas un fan hardcore, mais j'adore. J'aime bien les Village People, moi ça m'amuse bien, je trouve ça rigolo, c'est efficace. C'est ça. Voilà. Donc que dire sur le monsieur? Eh bien, c'est un animateur radio, comédien et chanteur québécois. On est de retour. Il va falloir qu'on fasse un truc avec nos amis du Québec. Mais je pense que ça commence à devenir assez indispensable. J'aimerais bien qu'ils se foutent autant de notre tronche que nous. Bah, de toute façon, là aussi, il n'y a qu'à se baisser. Hein. Donc voilà, donc il est né en 1946. Il a eu son heure de gloire discographique dans les années 70, avec un paquet de reprises aussi, des reprises comme on les aime. Il est toujours en activité. Et bah, il faut quand même noter que reprendre les Village People, c'est quand même assez casse-gueule sur le principe, mais alors en plus, lui, il matine le truc d'un texte qui fait quand même assez Jésus revient, version un peu formica, quoi. Donc c'est olympique comme reprise, je trouve. Par ailleurs, pour finir, on s'est quand même gratté la tête avec Mikado, même Mikado et les Junior, hein. Et les Mikado Kids, pour savoir ce que le brave garçon chantait, parce que le gimmick en début de couplet où on entendait Célestin, en fait, ce qu'il dit, c'est l'instant, mais avec l'accent, ça fait l'instinct. Ah, moi j'entends Célestin, il n'y a rien à faire. C'est ni Célestin, ni Célestin, oh, nos amis du Québec. C'est l'instinct, non c'est l'instant. Nos amis du Québec, on sait que vous nous écoutez. On a des poditeurs québécois qui nous écoutent. Si vous estimez qu'on raconte n'importe quoi, qu'on entend c'est l'instant, n'hésitez pas bien évidemment à nous corriger dans les commentaires du billet. Mais bien entendu. Alors, là, pour le coup, on... On n'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès, mais on continue avec, avec un petit lien. Et puis là, on saute du Québec pour aller directement les pieds en Belgique. Eh oui, parce que là, bah là choix collégial. Hein, parce qu'on reste dans le thème Village People. On n'a vraiment pas fait exprès, mais je vais vous proposer le titre « Dans la police » du chanteur Tichke. Ils vont toujours parmer, ils ont des revolvers, pas en 22, les voilà. Faut faire semblant de rien, ils verront peut-être rien, peut-être bien qu'on s'en sortira. Dans la police, faut pas avoir des crumebines. Dans la police, et il faut avoir l'oreille fine. Dans la police, il faut être un solide castard. Dans la police, dans la police. Dégourdi dans la police, faut pas avoir peur des bandits. Dans la police, il faut être un slume cadet. Dans la police, dans la police. Je te le dis tout net, mon Wiz, dans le ils ont osé. On est dans le osé, mais on est dans le respectueux du matériel original, quoi. Ah oui, mais non. Là, on pousse le potard de la parodie jusqu'au bout, quoi. Bah, il enfin, y avait un policier dans les Village People, hein, de l'autre côté. Donc, Et puis ce petit fumet belge, dans la police. J'aime autant te le dire. Coup de cœur hein, sur ce numéro. Voilà, la dernière fois, on avait eu Pierre Perpal, hein, rappelle-toi, Pierre Perpal. Je te cache pas, entre parenthèses, que j'aurais vraiment aimé réhabiliter une nouvelle fois notre ami Pierre. Mais il n'y a rien de... voilà, c'était le top. Mais quand même, dans la police. Ah bah, c'est les Village Moulfrites. Hein, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais une petite dédicace. Il y a une petite page Facebook, c'est par cette page que j'ai trouvé cette merveilleuse interprétation qui s'appelle « Les pires reprises en français », donc un petit peu dans le thème du jour. Si vous nous écoutez, hein, cher ami de cette fameuse page, encore une fois, un grand bravo parce que vous avez toujours des morceaux de qualité à nous proposer. Quoi. C'est exact. Alors pour parler un petit peu du monsieur, donc c'est comme vous l'aurez probablement reconnu, c'est un chanteur belge, connu aussi sous le nom de Patichke. Plastichke. On sent le gars du Nord. Hein. Né en 1948 et malheureusement décédé en 2003. Alors le gros de sa disco se situe dans les années 70 hein, et contient un certain nombre de reprises, comme Ça plane pour moi, évidemment, de Plastic Bertrand ou de Rasputin de Bonnet. Je te cache pas que je connais pas ces versions. Mais à mon avis, il y a moyen de se faire une belle playlist. Hein. Mais voilà, après, une fois qu'on a commencé à taper dans un cocotier pareil, on a envie de faire une spéciale juste pour lui. Quoi. Ah donc, oui. Je ne sais pas si tu me rejoins, mon Wiz, mais me concernant, c'est la révélation de ce numéro. Hein. Oui, et j'ajoute quand même que le best-of du monsieur est quand même disponible sur Deezer. Ah, d'accord. Voilà, comme ça, juste à toute fin. Oh, mais rien que les jaquettes valent le coup, quoi. Enfin, il y en a un autre truc, celle où il est ivre. Je ne sais plus c'est quel titre. Enfin bon, peu importe. J'ai trop bu. On sent qu'on est dans la chanson à texte, quoi. Barbara, Jacques Brel, tout ça. C'est ça. Ah non, mais chers amis auditeurs, sincèrement, allez jeter une oreille. C'est collector, hein, si vous êtes fan comme nous. On arrive à la fin de l'émission, hein, malheureusement. On avait encore beaucoup de choses à raconter. On a fait une playlist, sincèrement. Bon, on ne s'interdit pas peut-être d'en faire un troisième, voire un quatrième. Non, je blague. Mais sincèrement, il y a quand même beaucoup de matière encore. Ça va commencer à être dur de faire un troisième et un quatrième. Mais bon. Mais quand même, on reste sur. Bon, on triche un petit peu parce que on va se quitter sur une chanson qui est chère à mon cœur, qui m'a été proposée déjà dès le premier numéro que j'avais oublié de mettre par mon ami Daf Pakoun, qui est une magnifique reprise de René Joly. Qui nous chante, donc de 1977, qui nous chante une magnifique adaptation d'un certain John Williams sur le thème de... La guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Et qui s'appelle, pour le coup... La guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, les enfants. Soleil. ont repris les armes pour toi. Ils vont traverser la nuit pour toi. Du fond des déserts et des mers s'élance tout ce que la peur n'a pas séduit. Là-bas, dans les étoiles.